Mais pas qu'il y ait trop de questions, qu'il n'y en ait pas assez. Fait que tu vois. Ah ben on est servi ce soir. J'ai divisé en deux paquets. J'espère que des gens ne seront pas trop insultés. D'abord, les incurables. Non, le paquet des questions qui sont individuelles, c'est pourquoi je tousse souvent, des choses comme ça, là. Et puis, un paquet un petit peu plus large, un paquet de questions plus larges, plus... Alors, je vais piger d'un paquet à l'autre, comme ça. Juste finaliser la première partie de la conférence. OK. En essayant de faire ça rapidement. Vous savez qu'en une heure de temps, c'est très court. Bon. La majorité donc des maladies et des pathologies qui commencent à être à intervenir au niveau d'évolution de l'humain, donc du Québécois entre autres, étant donné que ça ne nous sert à rien de poser la question pour l'étranger, sauf si on travaille pour l'Organisation mondiale de la santé, mais ce qui n'est pas le cas, je crois, pour l'instant ce soir. La majorité des pathologies sont des pathologies qui peuvent être d'ordre conventionnel, donc des maladies normales, des maladies qui vont être tributaires de votre mauvaise alimentation, vitale, de votre stress, de votre genre de vie, de votre manque de sommeil, de tout ce qui, normalement, gère vos vies émotives, vos vies psychologiques et vos vies physiques, donc les pathologies typiques de l'homme ancien. Et on a une autre gamme de maladies qui commence à apparaître et qui est apparue d'ailleurs depuis déjà un bon bout de temps dans la majorité des corps du Québec ésotérique entre autres, donc du bouclier canadien, mais on parle encore du Québec politique pour l'instant, vu qu'on est au Québec. Politique. Et les médecins ont à y faire face régulièrement, mais ce n'est pas tellement le problème. Le problème, ce n'est pas que les médecins aient à y faire face, c'est plutôt que vous, vous ayez à y faire face. Ces maladies vont naître de votre propre évolution. On sait très bien que plus l'homme se conscientise, plus il a à vivre de la souffrance. Hein, on sait depuis longtemps que la souffrance est liée à l'évolution. Avant, quand je comprenais pas, ben, je m'en faisais pas. C'est en plein ça. Maintenant que je comprends, j'ai peur, je suis stressé, je suis angoissé, je me pose des questions qui n'ont pas de réponse, alors je souffre. Avant, dans l'Antiquité, lorsqu'une personne de la famille mourait, les hommes des cavernes faisaient 3 ou 4, ça finissait là. Si on le bouffait pas, ben on le laissait là, hein, ou on s'en servait comme appât, si on n'était pas cannibale. Mais on ne vivait pas de cette souffrance de l'évolution. Plus l'être humain se raffine, plus l'être humain apprend à souffrir. Celui qui ne connaît pas la valeur d'une œuvre d'art, d'une peinture, par exemple, ne souffrira pas de voir un musée brûlé, va contempler la flamme. Tandis que le conservateur du musée, ou encore celui qui a appris à connaître ou à vibrer avec ce que l'œuvre d'art tend, disons, à émettre comme onde de forme, ben lui ne regardera pas la flamme comme étant un spectacle intéressant. Il va plutôt regarder les pompiers, voir s'ils manœuvrent bien. Bon. Alors, plus l'être humain évolue au niveau de sa psychologie, plus il apprendra à souffrir. Plus l'être humain évolue au niveau de sa psychologie, plus il développera des pathologies, donc des formes de maladies qui sont physiques et qui vont l'empêcher d'avancer. Dans l'Antiquité, l'être humain était soumis à un bris d'évolution par l'assujettissement collectif à des maladies collectives. Ce qu'on appelle les maladies épidémiques. Toutes les épidémies ne sont maintenant bannies des contextes évolutifs de notre planète, c'est-à-dire les contextes là où on a bouffé suffisamment de viande rouge et de viande blanche pour avoir un corps mental suffisamment élaboré, suffisamment avancé, de façon à ce qu'on ait une science médicale qui maintenant permette justement la répulsion des phénomènes épidémiques. Lorsque l'être humain vit de plus en plus va de plus en plus vers une évolution dans une conscience individuelle et non pas individualiste. Présentement, on a une conscience collective individualiste et l'homme nouveau lui aura une conscience individuelle, mais qui sera à tendance écologique, donc à tendance collective, collectiviste. Lorsque l'être humain va de plus en plus vers cette tendance individuelle, automatiquement, il va se désassujettir, donc se déconnecter des phénomènes épidémiques. Il va donc commencer à avoir ses propres petites maladies à lui. Ces maladies seront particulières à son état d'évolution. Donc, présentez-moi une psychologie, je pourrai vous présenter un corps physique qui souffrira de certaines formes de maladies. On pourrait même déterminer ou diagnostiquer à un moment donné l'état évolutif d'un être humain par rapport à son corps physique, donc par rapport à ses maladies. Maintenant, il faut comprendre que l'être humain vivant dans une société de stress est coloré par l'agression, continuelle des autres. C'est-à-dire que lorsqu'un individu vit dans un contexte où il se fait tout à fait sucer en énergie continuellement, il va vivre une dépression à un moment donné. Une dépression, c'est une perte d'énergie. Hein, c'est ça une dépression. Donc, il va vivre une dépression. Il peut aussi être atteint d'un cancer qui sera, disons, endogénique, donc créé à l'intérieur de lui, mais qui aura une cause extérieure au niveau de l'agression psychologique. Ça ne sera pas une cause physique. Donc, l'être humain qui On me présente un corps physique, je regarde le corps physique, j'observe les symptômes des maladies et on peut avoir une idée de l'évolution de l'individu. Maintenant, faut pas qu'on pense que plus l'être humain est malade, moins il est évolué. Si l'être humain est d'une évolution individuelle, donc de cette évolution vers l'homme nouveau, effectivement, à un moment donné, on pourra dire plus il est malade, plus il est évolué. Ça paraît extrêmement contradictoire, ça paraît même con. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain n'a pas entre les mains les clés de son évolution. Parce que si on les aurait entre nos mains, ça ferait longtemps qu'on évoluerait sans souffrance, sans maladie. Hein? Et ça marcherait droit comme on aimerait que ça marche. C'est-à-dire tout croche. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, n'ayant pas les clés de son évolution, ne peut pas régir celle-ci. L'être humain évolue comme un nuage avance dans l'atmosphère. C'est-à-dire que le nuage a une forme particulière. Maintenant, la forme ne reste pas la même lorsque le nuage avance. Alors, il y a des parties du nuage plus avancées qui, à un moment donné, semblent rétrograder parce que les vents poussent plus sur les côtés du nuage, hein, en périphérie. Alors, à un moment donné, le nuage se déforme, il avance différemment. Les molécules du nuage qui étaient en arrière finissent par se retrouver en avant ou en bas. Et lentement, le nuage a une progression. L'évolution de l'homme est de la même nature. Alors, à un moment donné, vous avez de la patience. Soudainement, la patience semble prendre du retard, tandis qu'une autre partie évolue. Alors, ce qui fait qu'une personne qui est extrêmement malade peut être extrêmement évoluée au niveau de la transition vers l'homme nouveau, pour la simple raison que ce qui, au niveau neurologique comme au niveau endocrinien, au niveau physique, au niveau nerveux, est en mutation, peut pendant un laps de temps être tout à fait inapte ou inadapté à l'évolution biologique, disons, darwinienne, c'est-à-dire que l'être humain ne vivant pas une évolution darwinienne, une évolution adaptative, mais il vit plutôt une évolution améliorative, cette évolution améliorative peut engendrer une adaptation biologique au niveau des corps physiques, ce qui va évidemment engendrer une panoplie de pathologies qui ne sont pas en harmonie nécessairement avec le degré d'évolution de l'individu. Mais l'homme transitif qui est malade justement parce qu'il est transitif, il peut en mourir. J'en connais des gens, moi, qui sont évidemment transitifs. Évidemment, le corps physique peut en mourir, pas l'homme transitif. Mais le corps physique peut effectivement mourir, la mort n'existe pas. Bon, alors, on reviendra là-dessus à un moment donné et tu viendras m'interviewer, ça t'intéresse. C'est au mois d'avril. Je vais t'amener à l'urgence, je vais t'en faire voir des morts. Tu sens pas, je vais travailler suffisamment sur des cas en arrêt cardiaque et j'en ai réanimé suffisamment quand je travaillais pour Urgence Santé. C'est moi qui te les amène à l'urgence. Ça, je te dis, ils sont morts dans les urgences. Oui, pas toutes, hein? Pas toutes. Bon. C'est intéressant. Une chance qu'il y a beaucoup de techniciens ambulanciers, pas juste moi. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que l'être humain, évoluant continuellement, vit une mutation physique et une mutation neuronique, donc cérébrale. Cette mutation est absolument nécessaire pour lui permettre de comprendre mieux, de comprendre plus vite, d'englober plus de choses, de pouvoir exprimer biologiquement une conscience agrandie, donc au niveau de sa conscience. Plus l'être humain entre en contact avec ce que la théologie antique appelle l'Esprit Saint, ce que moi j'appelle, disons, l'énergie supramentale, c'est un phénomène qu'on a expliqué, sur lequel on va revenir aussi, plus l'être humain entre en contact avec ce genre de choses. Cela, tout à l'heure, j'expliquais que l'âme venait induire dans les neurones certaines réactions qui finissaient par se transmettre et qui étaient détectables au niveau d'un électroencéphalogramme ou des appareils de biofeedback. Sauf que cette énergie astrale, à un moment donné, va être supplantée par l'énergie mentale de l'âme. Cette énergie mentale, vous l'avez tous déjà, l'intellect est sa partie la plus basse. Et à un moment donné, on a un contact avec l'intelligence instantanée, donc vous allez avoir un contact centré dans votre esprit, des choses que vous ne connaissez pas nécessairement encore. Et puis à un moment donné, cette intelligence ou cette énergie supramentale fait vibrer les neurones de façon à désassujettir l'humain d'une panoplie de phénomènes manipulatifs. La semaine dernière, on parlait de Satan. On va revenir à un moment donné sur le phénomène de l'exorcisme. Alors, donc, ça finit par désassujettir l'humain de ces choses. En attendant, lorsqu'il y a mutation, le cerveau n'est pas apte à fonctionner convenablement. Alors, la plus banale pathologie de la personne transitive, ce sont les pertes de mémoire. Idiote, conne, imbécile, très perturbatrice, disons, angoissante à un moment donné, et ça peut arriver à n'importe quel âge. C'est une mutation de la partie neurologique qui, disons, interprète le phénomène mémoriel au niveau de l'âme. Les autres pathologies sont des pathologies d'ordre physique qui peuvent être des pathologies tout à fait réelles. D'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, Claude, une personne transitive peut, à un moment donné, à l'âge de 20 ans, avoir une attaque cardiaque, donc avoir un infarctus du myocarde. Leucémie. Les leucémies, c'est le même genre de phénomène, et elle peut en mourir. Bon, maintenant, elle peut ne pas en mourir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux formes de pathologie typiques de l'homme transitif, et vous allez en être de plus en plus atteint. C'est pourquoi je fais une conférence. De toute façon, on va en refaire à un moment donné aussi au large, c'est-à-dire à l'extérieur du centre de l'universalité. Il y a eu une tempête de neige, il y a juste les malades qui sont venus, mais on va en refaire une à un moment donné, quand il fera beau. Le personnel a passé la journée à pelleter le salon. Alors, on peut constater que c'est quand même, on l'avait fait à cette place. Mais on va donc refaire ces conférences. C'est de plus en plus important. Et il faudra évidemment, à un moment donné, que les médecins soient au courant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les maladies typiques de la transition qui vous rendent malade, comme l'homme ancien est malade. Alors, à un moment donné, vous allez dire, oui, mais on dirait que plus je mange bien, plus j'ai des troubles digestifs. Et ça, c'est fréquent. Et ça va être de plus en plus comme ça. C'est normal, plus vous mangez bien, plus il y aura une mutation au niveau cérébral et au niveau corporel. Cela va donc s'interpréter par le corps physique, peut, pas nécessairement, mais peut se répercuter dans le corps physique par des problèmes de digestion parce qu'il y a des mutations. Donc, il y a une transformation qui n'est pas finalisée, donc qui est en marche et qui peut, pendant un laps de temps, transmettre de l'inefficacité au niveau du corps physique. Mais t'imagines-tu le problème de la personne qui prétend bien manger puis qui est malade plus qu'avant? Elle y croira pas. Il y en a beaucoup. Je fais du yoga, je suis raqué, j'ai de la misère à respirer. Je suis devenu asthmatique depuis que je suis végétarien. Je suis végétarien, je digère mal. Moi, la viande que je digère le plus facilement, c'est le porc. Bon, hein, effectivement, je vais manger des viandes qu'on me recommande, ça passe pas. Et etc., etc., etc. Alors évidemment, le problème qu'il y a, c'est que l'individu, pensant bien travailler pour son évolution, a l'impression de vivre une rétroaction. Donc, elle revient en arrière, justement parce qu'elle ne comprend pas le principe des maladies de l'homme nouveau. L'être humain évolue donc via une mutation. Il se transforme. Si vous transformez votre psychologie, c'est que le récepteur, le médium, hein, la radio qui reçoit les informations de votre psychologie pour les transmettre dans votre corps, doit nécessairement être muté. Alors, s'il y a une mutation psychologique, il y a donc une mutation neurologique. Vous prenez de la boisson, ça mute votre cerveau, hein, l'alcool vient perturber la transmission chimio-électrique entre les neurones. Automatiquement, l'expression psychologique va être différente. Le véhicule exprimant étant différent, ce qui va être exprimé est différent. Tu deviens plus collant, tu deviens plus agressif, tu deviens ceci, tu deviens cela, et normalement, tu ne l'es pas. Si tu mutes psychologiquement, si cela est interprété, donc si ça paraît, hein, si vous pouvez l'exprimer physiquement, cela veut nécessairement dire que votre récepteur, votre cerveau a été changé. Maintenant, le cerveau contrôle à lui seul tout votre corps. Il contrôle le système endocrinien, le système hormonal, donc qui est la cause majeure de 99,999% de toutes les perturbations pathologiques chez l'homme. Même les perturbations virales, bactériennes et les autres perturbations de déséquilibre. Lorsque l'être humain est en phase de fatigue à certaines régions de son corps ou globalement, lorsqu'il est épuisé par exemple, les virus, les bactéries viennent induire simplement le corps vital de l'homme, de leur propre corps vital, ce qui fait que le virus est donc, n'est plus un intrus, il est bienvenu. Il y a donc pathologie et maladie. Les médicaments chimiques qu'on va donner au niveau de la médecine conventionnelle, ce sont des médicaments qui agressent rarement le virus ou la bactérie, ou encore guérissent pas comme tel chimiquement la pathologie, le symptôme physique. Sauf que l'énergie, n'est-ce pas, la molécule, c'est très important en pharmacologie, c'est que la molécule du médicament, la constitution atomique du médicament, a un onde de forme, donc une structure d'énergie vitale particulière qui, elle, va être suffisamment en désharmonie avec la structure atomique du virus ou de la bactérie qu'elle va désagréger celle-ci comme le virus désagrège le corps. Les effets secondaires de toute la majorité des médicaments, justement, de médecine traditionnelle sont justement que la molécule du médicament détruit un peu aussi l'énergie vitale du corps physique localisée là où il va avoir un effet, ce qui se répercute par les effets secondaires que l'on vend tant. Bon, quand on veut être contre-attaqué. D'où le problème de l'homme transitif. S'il y a beaucoup de symptômes, les médecins vont être portés à leur donner beaucoup de médicaments qui sont définitivement... Ce qui va amener d'autres symptômes secondaires qui vont faire à un moment donné que vous allez être une pharmacie ambulante ou carrément un cas très intéressant. Bon. Hein? Bon. Un beau cas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez prendre en main vos santé. Donc, vous devez immédiatement cellulariser, conscientiser le fait que ce qui est dans votre assiette, ça va être vous quand vous l'aurez bouffé. Hein? Ce que vous respirez, c'est vous. Bon, pas philosophiquement, là. Ah, oh, je suis toute l'atmosphère de la Terre. Mais non, pauvre Newf, t'es pas toute l'atmosphère de la Terre. Sauf que les molécules d'oxygène que tu respires vont être dans ton corps à un moment donné. Alors, si tu respires du radium, si tu respires un petit peu d'uranium, si tu respires du gaz carbonique, si tu respires de l'arsenic en même temps, ben ça aussi, ça va être quelque part chez toi. Mais si tu dis c'est pas toi, ben ça va être quand même corporifié, ça va être toi. Et si ça se répercute par des ongles verts parce que tu as de l'arsenic dedans, ben évidemment, ça sera toi aussi. Hein? Que tu t'aimes ou non, que l'ego s'aime pas, ça ne change rien. Donc, l'être humain, de plus en plus, donc plus l'être humain se conscientise, plus l'être humain aurait, disons, avantage à manger des choses vivantes, à respirer convenablement, à se payer le luxe de vacances. On a déjà parlé de, souvent en conférence de toute façon. Et de plus en plus, l'être humain doit s'arranger pour rire, pour s'amuser. Parce que l'évolution devient mauditement plate et lorsque l'évolution devient plate, l'ego se sent insécure dans son maudite évolution, on pourrait dire dans son hostie d'évolution. Plus l'ego est insécure, parce qu'à un moment donné, ne posez pas ces questions-là, là je m'y pose, j'endors plus. Bon, il se prend au sérieux. Il se prend exactement au sérieux. Et plus cela va aller, ça devient ce que j'appelle la fièvre de l'évolution. Il y a donc une fièvre au niveau de l'âme qui va têter au niveau du corps physique, engendrant la majorité des maladies de conscientisation, toutes les maladies reliées effectivement à l'homme nouveau ou à la mutation vers l'homme nouveau. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'être humain rit, plus il induit dans son ego la sécurité. C'est le fun, on rit. Il y a une bombe qui tombe, tu ris. Donc, en partant, tout va bien. Plus l'être humain va rire, moins son ego va être insécure, donc moins celui-ci va chercher à têter au niveau des plans vitaux du corps physique, plus l'être humain risque de contourner la majorité des symptômes et des pathologies de la mutation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas de la théorie. Il y a effectivement des maladies nouvelles qui apparaissent. J'en ai parlé avant le sida. Mais le sida, c'est une maladie karmique planétaire. Il y a d'autres maladies nouvelles qui naissent. Les médecins vont évidemment travailler là-dessus parce qu'il y a quand même un bon paquet de médecins qui veulent faire un bon travail. Puis il y en a d'autres, évidemment, qui ne font que le travail. Bon, c'est sûr. Maintenant, il y aura de plus en plus de maladies nouvelles. Il ne faut pas penser que la médecine douce est la solution aux maladies nouvelles. La médecine douce date de plus longtemps que la médecine chimique. Donc, la médecine douce va traiter la majorité des maladies typiques de l'homme ancien. Mais elle sera souvent inefficace au niveau des maladies transitives. Comme la médecine chimique sera inefficace souvent aussi. Alors, lorsqu'on va voir un médecin chimique, il veut nous guérir. Et lorsqu'on va voir un médecin de médecine douce, il veut nous guérir. Et si les deux ne savent pas ce qu'on a, ils vont quand même nous traiter. Faites-vous-en pas. Bon. Alors, les deux deviennent automatiquement très agressifs au niveau du corps. Ce n'est plus de la médecine douce. La seule médecine douce, c'est une médecine intelligente et écologique. Elle peut être une opération chirurgicale. Elle peut être simplement des tisanes. Du moment que c'est écologique, ça devient doux. Hein? Vous avez perdu un bras, on vous le recoue. Bon, allez pas voir un médecin de médecine douce. OK? La médecine du chirurgien devient douce. Celui, évidemment, qui opère inutilement, ça devient une médecine qui est réellement brute. Mais l'acupuncteur qui met 63 aiguilles pour guérir un asthmatique, alors qu'il devrait en mettre 7, c'est lui avec. Dours. Ouais, dours, en plein ça, oui, dours. Les aiguilles font des poils, puis c'est ça. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez, premièrement, conscientiser le fait que c'est votre santé que vous avez entre les mains, que le corps physique est une chose absolument importante parce que c'est le véhicule d'expression de votre évolution, que si vous évoluez sans celui-ci, celui-ci nécessairement devra s'adapter à votre évolution et dans l'adaptation, il lui en manquera des bouts pendant la phase de transition. Ces bouts manqués seront des pathologies. Alors, vous mangez mieux, vous êtes malade. Vous respirez mieux, vous toussez plus. Vous faites ceci, vous cessez de fumer, vous pognez des cochonneries. Il y a toute une panoplie de maladies qui vont apparaître si vous ne conscientisez pas que votre corps physique doit suivre le même chemin que votre psychologie. Comment le faire? Vérifier son alimentation, c'est à votre choix. Prendre des repos de temps en temps. Il y a toute une panoplie de choses qu'on enseigne au Québec à travers un paquet de cours. Il y a des livres avec qui ont été écrits sur ces choses-là. Il y a des choses qu'on fait ici au centre. Il y a des choses qu'on fait aussi ailleurs qui ont une grande valeur. C'est à vous, évidemment, de faire le chemin. Bon, je vous dirai pas quoi faire. Vous êtes suffisamment brillant pour le savoir. De toute façon, si vous êtes suffisamment brillant pour vous être rendu malade, vous êtes donc suffisamment brillant, vu que vous évoluez, pour pouvoir vous trouver les chemins de la guérison. Le médecin est une béquille, qu'il soit médecin de médecine générale, médecin de médecine douce, ça peut être utile, c'est même très utile, sauf qu'on doit s'arranger pour bien comprendre que plus on évolue en expansion, plus on se pose des questions, plus on recherche, on développe une maladie nouvelle, la première forme de maladie mentale, c'est-à-dire la fièvre de l'évolution. Lorsqu'on a cette fièvre de l'évolution, très rapidement, qu'on l'ait consciemment ou inconsciemment, très rapidement, on induit des pathologies au niveau du corps. Si ça vous prend 15 ans pour induire un cancer, ça vous va vous prendre au moins 50 ans en pensée positive pour le régler. Et évidemment, le cancer risque de vous emporter avant. Donc, on doit, à partir de immédiatement, commencer à travailler sur l'intelligence d'un corps en santé. Ceux qui auraient déjà le cancer, ça se guérit. Bon, les médecins guérissent des choses, savent pas pourquoi, puis des fois, ils savent pourquoi. Alors, on a des guérisons de toutes les sortes. Ça se guérit. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ne pensez pas faire un cheminement évolutif pour guérir d'une maladie. Évoluez pour l'intelligence de l'amélioration. Et les choses qui vont être de concert avec l'évolution globale de l'homme vont venir. Celui qui fait le PMC, par exemple, pour se guérir de l'asthme, peut guérir de l'asthme, mais il peut aussi guérir de l'asthme au bout de 25 ans. Celui qui est asthmatique puis qui, à un moment donné, fait quelque chose d'intelligent et fait cette chose pour son évolution propre en se foutant des symptômes idiots de l'évolution, ben, à un moment donné, va voir son asthme s'en aller puis ne saura pas pourquoi. Et c'est exactement ce qui se passe tout le temps. Donc, l'être humain doit conscientiser que son corps physique est le véhicule d'expression. Vous voulez évoluer sans celui-ci, celui-ci va vous retarder. Les maladies de l'homme transitif sont des maladies symptomatiques, premièrement, et deuxièmement, des maladies, disons, réellement pathologiques, donc d'expression corporelle. Il y aura donc beaucoup de choses qui vont être symptomatiques. Ne pensez pas que vous êtes fou si, à un moment donné, on vous dit que vous avez rien. Et n'acceptez pas de médicaments si on vous dit que vous avez rien. Vous n'êtes pas cinglé, il y a des mutations. Et ne vous dites pas non plus, bon, j'ai rien, je prends pas de médicaments, j'ai des symptômes pareils, donc je suis un gars évolué. Et ne pensez pas ça non plus. C'est évident que vous évoluez. Ne devenez pas snob dans votre évolution. Prenez-vous pas au sérieux. Plus vous allez avoir du fun, même malade, plus ça va guérir et mieux ça va aller. Alors, on passe aux questions. Je vais me faire l'avocat du diable. Je m'imagine une personne qui vient ici pour la première fois là et qui craint les tripes. Comme on peut faire des fois. Puis il dit, bon, ben lui, Daniel, là, j'aimerais ça le voir, le Daniel Kemp, dans 50 ans. Puis s'il tombe malade, je te dis, toute la gang qui ont cru en lui, là, oh, ils vont en prendre une claque. Autrement dit, quand tu parles, c'est toute une responsabilité que tu prends là. Bon, premièrement, non, c'est... Quand le médecin dit à son patient, cesse de fumer, tu vas mourir. Le médecin a raison. Est-ce que le patient doit se dire, mais arrêtez de fumer, m'entends de voir dans 50 ans s'y arrêter, parce que si j'arrête, lui, il arrête pas. Ben, jamais de fait fourrer. Qui ment pas. Quand le dentiste ouvre la bouche du bonhomme ou de la bonne femme, il dit, t'as une carie, là. Le patient, il dit, tu vas donc, t'es dents, toi! Il dit pas ça. L'autre peut avoir 8 dentiers dans sa bouche. Faut avoir, hein, un requin. Bon, les dentistes sont requins. Alors, ça n'a rien à voir. Alors que moi, dans 50 ans, tu sais, on dit souvent, est-ce qu'il dit, est-ce qu'il fait? Les grands maîtres. Prends les grands maîtres. Les grands maîtres, c'est tous des cons. Ils sont tous pognés puis attendent après l'humanité pour évoluer. Les grands maîtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vécu une évolution à un moment donné. Ils ont eu un contact avec l'intelligence supramentale, donc avec l'esprit. Ils se sont pris au sérieux là-dedans. Il y avait suffisamment d'égo qu'à un moment donné, ils sont devenus supérieurs à l'humanité, mais juste trop égoïsés pour vouloir justement garder leur pouvoir sur l'humanité. Et puis, ils sont restés confinés au sein de la Gartep et de Shambhala au centre de la Terre, ce qu'on appelle l'enfer traditionnellement. Et ces grands maîtres-là ont une seule idée dans la tête, c'est faire évoluer l'humanité pour que l'humanité finisse par être suffisamment avancée, de façon à ce que l'humanité ait suffisamment d'énergie pour que ces maîtres-là puissent se servir de l'énergie de l'humanité pour pouvoir maintenant continuer. Ces maîtres-là, bien brillants, y ont aidé un peu. Certains ont engendré la guerre mondiale, la deuxième, parce que on sait très bien que plus, quand le mal aura été suffisamment dense sur la planète, on va commencer l'ère du millénium. Alors certains grands maîtres, par le biais du prieuré de Sion, ont tout fait pour que, disons, que l'âge de fer se précipite, pour qu'il y ait le plus de mal possible sur la planète le plus rapidement possible, de façon à ce qu'on passe dans un état où ce que les autres vont pouvoir jouer un peu. Ces grands maîtres-là, ils vont attendre après l'humanité pour s'en sortir. On parle pas des grands maîtres. C'est parce que l'erreur, c'est de chercher un modèle dans sa vie. C'est ça l'erreur. C'est quand on voit un grand maître avec une belle grande barbe qui préconise la santé parfaite. Moi, je suis assez content quand tu tombes malade. Oui, parce que t'es jaloux. Ben non! Parce que je me dis, ça va pas d'allure ce qu'il disait, puis ça le prouve. Exactement. Tu sais, quand Muktananda, moi je me souviens, à un moment donné, je l'avais vu, puis il a fait un infarctus, puis il en est mort. J'étais bien content. Oui. Parce que les disciples pensaient qu'ils étaient pour être immortels. Exactement. Le seul phénomène qu'il faut comprendre, ce n'est pas parce qu'un médecin dit que la santé, ça existe, que si lui tombe malade, il meurt, que la santé n'existe pas. Un grand maître peut, à un moment donné, avoir un cue, donc avoir une information, parce qu'il y a un paquet de grands maîtres sur la planète, de grands maîtres, pas de grands maîtres, mais disons de maîtres, hein, n'est-ce pas, avec des disciples, hein, des collectionneurs d'armes en évolution. Bon, ces grands maîtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? La majorité des grands maîtres avaient évidemment une information au niveau de l'intelligence qu'eux autres ne conscientisaient pas. Il y a Krishnamurti qui l'a conscientisé, il y a Mère qui l'a conscientisé, Aurobindo à peine vers la fin, lorsque justement il est mort de maladie. Bon, et on a quelques personnes, on en a deux, quelques-uns au Québec avec qui le conscientisent. Alors, ces personnes ont une information, ils ne la conscientisent pas nécessairement, ils la transmettent parce que la transmettant, ils s'en auto-énergisent. Ils ont besoin de disciples parce qu'ils têtent l'énergie des disciples de façon à pouvoir grimper. Les disciples ont besoin d'un maître pour pouvoir se faire supporter, donc ça crée un écosystème relativement intéressant, tout va bien. Et à un moment donné, le maître peut évidemment flancher, mais ça n'empêche pas que le maître était né d'une... Regarde les maîtres que tu me parles, ils sont mauditement plus vieux physiquement que moi. D'accord? Bon. Alors, ils n'ont pas un corps génétique qui peut supporter ce que moi, je peux supporter. Lorsque ces bonhommes, à un moment donné, rentrent en contact avec certaines connaissances, disons, de l'intelligence, leur corps physique doit muter. Et s'ils n'ont pas un corps génétique suffisamment puissant, ben, il peut évidemment y arriver à un moment donné où ils seront détruits physiquement. Alors, dans l'antique religion, on dit très bien que ce qu'on ne peut pas regarder Dieu en face sans devenir aveugle et même sans mourir. Eux, justement, donc, ont été des martyrs de la conscientisation. Le Nazaréen a été le premier qui a pu, justement, supporter ce genre de choses. De toute façon, on va revenir à un moment donné sur le phénomène du Nazaréen dans d'autres conférences qui viennent. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on dit, bon, Daniel Kemp, est-ce qu'il va être ceci, est-ce qu'il va être cela? Moi, je dis simplement que si vous mangez mieux, vous allez être mieux. Que je mange mal, ça vous regarde pas. Parce que ce que je vous dis est un fait. Bon, je dis que si vous faites ceci, ça va donner cela. Que je le fasse ou non, ça vous regarde pas. Parce que ce que je dis est un fait. Maintenant, il me regarde, moi, de me gérer au niveau de mon évolution, et il vous regarde, vous, de vous gérer. Donc, ce que je dis, je ne supporte aucun poids, pour la simple raison que je dis des choses qui sont là, et puis les humains font ce qu'ils veulent avec. C'est relativement facile de parler comme je parle. Tu dis n'importe quoi. En autant que ça se tient. Ben, ça se tient. Feu! Dans le cas d'une vraie maladie physique, virale ou autre, où les cellules sont atteintes et pour laquelle les médecines n'ont aucun remède, comment peut-on espérer guérir si on mange déjà bien et que la maladie continue depuis 6 mois? Imposition des mains, traitement d'énergie, acupuncture, réflexologie, parfait. Etc., etc. Bon, ce qu'il faut comprendre, premièrement, l'homme nouveau ne sera pas atteint de maladie. Deuxièmement, l'homme nouveau aura suffisamment d'énergie vitale que ça va pisser à travers de lui. Hein? Ça va rayonner, dans un terme plus spirituel. Donc, l'homme nouveau aura effectivement la possibilité d'engendrer des guérisons à l'extérieur. Bon, les médecins vont évidemment être les plus contre. Vous savez que si le Nazaréen reviendrait sur la planète présentement, l'école de médecine le ferait enfermer pour pratique illégale. Bon, c'est pas? Alors évidemment, il y aura donc des transformations au niveau social à un moment donné. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il y a deux sortes de maladies. Il y a une maladie qui est reliée à un karma planétaire. Une maladie qui fait que parce que vous êtes un être humain corporifié dans un véhicule humain, vous êtes assujetti à une collectivité pathologique, vous pouvez attraper des maladies. Les maladies sexuelles sont les premières formes de maladies karmiques planétaires, entre autres. Et il y a d'autres sortes de maladies qui sont typiquement reliées à votre cheminement évolutif. Si à un moment donné, un homme nouveau, ou si à un moment donné, un guérisseur qui aurait suffisamment d'énergie magnétique pour pouvoir réellement induire, comment ça marche la guérison? La guérison, simplement, c'est qu'à un moment donné, vous manquez d'énergie vitale au niveau mémoriel, vos cellules n'ont plus la puissance de se structurer selon leur code génétique, donc selon ce qui a été orchestré au niveau de la procréation, et à un moment donné, ben on y a une pathologie. Lorsque le magnétiseur vient, il, tout ce qu'il fait, c'est qu'il transfuse de l'énergie vitale chez vous. Il n'y a pas besoin de connaître les maladies. L'énergie vitale transfusée fait qu'automatiquement, le code génétique est restauré et les maladies guérissent. Dans le cas du Nazaréen, sa puissance était suffisamment grande pour opérer une mutation rapide, donc instantanée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des maladies qui ne doivent pas être guéries, et il y a des maladies qui le doivent. Donc, la personne qui évolue, qui mange bien et qui voit, par exemple, un processus pathologique se continuer chez elle, elle doit premièrement, et ça, c'est extrêmement chiant, c'est l'un des points les plus difficiles à admettre au niveau de la personne transitive, c'est qu'elle doit remettre entre les mains d'elle, de sa conscience, de son intelligence, tout son processus de guérison. C'est-à-dire qu'elle peut aller voir les médecins, ça va de soi, c'est la première chose à faire, on commence parce qu'il est plus facile. Médecin, médecine douce. Et elle doit, à un moment donné, savoir que de toute façon, son cheminement, il est évolutif et elle doit mettre ses énergies dans l'amélioration de son être-té plutôt que dans la cure de son corps physique dans lequel elle s'identifie. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que lorsque l'être humain devient malade, à un moment donné, il y a des personnes qui font le programme être contrôleur et qui arrivent à un niveau de conscientisation à un moment donné qui les oblige à avoir une conscience plus vaste tout en ayant encore une partie égoïque. Alors, ils se prennent au sérieux. Et il leur arrive des choses absolument effarantes. C'est exactement ce qui arrive dans la majorité des cas des pathologies de la personne transitive. La personne va dire, bon, c'est comment ça se fait que j'ai... Bon, prenons l'exemple de la leucémie. La leucémie, il y a beaucoup d'enfants qui ont la leucémie et ce ne sont pas les plus imbéciles qui ont la leucémie. Sauf que le processus de mutation, parce que les parents, la leucémie, ça va disparaître d'ici peu de toute façon. Et c'est une maladie qui n'était pas extrêmement courante dans l'Antiquité. Donc, plus les parents sont capables d'engendrer un corps physique génétiquement solide, ce qui va être réincarné à l'intérieur de ce corps ne démolira pas le corps pendant la maturation. c'est ce qui arrive dans la majorité des pathologies infantiles. Bon, des pathologies d'ordre, disons, assez grandiose. Je parle pas des pathologies karmiques, là, comme la picote, ces affaires-là, là. Bon. Alors donc, l'être humain qui vit ce genre de phénomène ici doit savoir qu'il y a des maladies qui sont typiquement reliées à son état mutatif. Donc, ils ne peuvent pas être guéris. Ça va être déricant, tu sais. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? Ben, évidemment. Parce que, premièrement, ou bien vous allez en mourir, hein, c'est important, ça va arrêter là. Ou bien, à un moment donné, et c'est ce qui arrive dans la majorité des cas, quand je parle mourir, je parle du corps physique, ça va toi. Donc, dans la majorité des cas, ce qui va arriver, c'est qu'après un grand laps de temps où ce que tu luttes contre, cesse de l'énergiser, oublie-la un peu, occupe-toi-en, disons, terre à terre, mais... philosophe pas trop sur ta maladie. Et lorsque la partie mutative qui induit cette maladie, ça va peut-être s'émeut, puis on guérit les boss. Miracle. Alors donc, il ne faut pas s'en faire, mais il faut tout faire pour la guérir sans s'en faire. Donc, on doit la guérir mécaniquement avec ce que la science permet aujourd'hui, toutes les sciences, douces ou non. Et on ne doit pas s'en faire, donc on ne doit pas triper émotivement sur sa maladie. On doit donc persister à vivre en évolution et ses pathologies se régressent d'elles-mêmes. Ceux qui ne le croient pas, vous ne le croyez pas. Ceux qui, à un moment donné, veulent, de toute façon, vous allez en faire l'expérience. Ceux qui sont suffisamment patients pour se dire, bon, ben, puis merde, c'est comme ça. Alors, le médecin me dit de prendre ça, je prends ça, ça donne rien. L'autre, il me pique là, ça donne rien. Alors, moi, je vais continuer à vivre, sacré bleu. Je vais dire, s'il me reste encore 15 ans, mais au moins les orchestrer pour que ça serve à quelque chose. Puis, au moins, à un moment donné, si effectivement ce que je dis est vrai, parce que dans l'amélioration de votre condition humaine, vous allez changer des choses, ben, faites-vous-en pas la maladie, elle va régresser, puis elle va s'en aller. Pas 56 solutions. Il y en a une. Ben, il y en a deux. Elle t'emporte ou tu l'emportes. Puis plus souvent qu'autrement, on va l'emporter. Sauf si on panique. On l'induit. Faut pas prendre la maladie au sérieux, mais faut agir sérieusement. Comme toute l'évolution. L'homme doit tout faire sérieusement, mais l'homme ne doit pas se prendre au sérieux. Tandis qu'aujourd'hui, on se prend au sérieux, puis le reste, on s'en fout. Pourquoi trouvons-nous bonnes des choses, entre autres des aliments, des loisirs, des activités, qui effectivement ne nous conviennent pas? Parce que lorsque vous étiez suffisamment anégoïsé, lorsque vous étiez, disons, jeune, vous n'avez rien en mémoire et on vous a instruit de ces mémoires, ce qui fait que cela est venu s'agglomérer au niveau de votre ego, cela est venu... Cela faisait partie du monde connu chez vous. Cela sécurisait votre ego. Automatiquement, on aime parce que l'être humain est un être qui n'est pas instantané. L'homme nouveau devient instantané, donc vit dans le présent immédiat. Les mots sont même un peu malhabiles pour le définir. Et tandis que l'être humain vit dans son contexte mémoriel, automatiquement, il recherche toujours à revivre des choses qu'il a vécues. Ça peut être des événements, comme ça peut être des stimuli. Alors, automatiquement, lorsqu'on a commencé à bouffer de la crème glacée à l'âge de 2 ans, ben, évidemment, il y a de fortes chances qu'on aime ça tout le temps. À un moment donné, on peut finir par s'en écœurer. Preuve de la mutation au niveau du corps. On ne goûte plus de la même façon. C'est pour ça qu'on s'écœure. À un moment donné, on peut revenir à pouvoir y goûter parce que les choses se sont rajustées. Bon. Lorsque l'être humain a été induit de certaines choses, il finit par rechercher les mêmes stimuli. Ça fait partie du monde du connu. Bon, alors il jouait au tennis, à un moment donné, il peut plus jouer au tennis, ben il va aimer le badminton, il va aimer le ping-pong. C'est le même genre de stimuli. Ça peut être simplement la compétition qu'il recherche, et ce stimuli émotif peut l'amener dans des sports qui sont mauvais. Alors pourquoi l'être humain, donc, va faire des choses qu'il n'aime, qui ne sont pas intelligents? C'est parce que lorsqu'il a été construit au niveau de l'âme, il n'avait pas d'intelligence, et maintenant, vu qu'il fait référence à ses mémoires, automatiquement, il fait ce qu'il a toujours fait, même si à un moment donné, ça en devient stupide. Il y a autre chose, l'être humain est collectif, et il est manipulé par une conscience collective. On va y revenir la semaine prochaine dans le mystère des secrets de Fatima et on en a parlé la semaine dernière au niveau des mécanismes de Satan. Comment faire pour savoir ce que le corps physique a besoin pour se nourrir? Être à l'écoute? Y a-t-il des analyses disponibles pour savoir si nous sommes en carence ou en surplus d'éléments essentiels? Bon, un autre maudit problème. On va voir un médecin où on va se faire prendre des prises de sang et alors ils vont faire l'étude complète de notre système sanguin et ils vont nous dire vous manquez de ceci, de cela et de cela. Vous devriez donc avoir telle maladie, telle maladie, telle maladie. Et vous dites merde, je suis en pleine forme. Les corps physiques étant mutatifs, automatiquement, il y a de plus en plus de formules sanguines qui seront anormales et qui seront merveilleusement adaptées à votre corps physique. Donc, ça devient encore extrêmement compliqué. La personne est là, par exemple, une glycémie très basse ou très haute. Elle peut avoir une hémoglycémie très basse ou très haute. Puis la personne est correcte. Alors, comment expliquer ça? Ben, le corps physique n'est plus standard. Donc, il sort de la normalité. Alors, ce qu'il faut faire, il y a un livre présentement qui est en train d'être écrit par des personnes, justement, qui font le programme Être contrôleur, un livre sur l'alimentation pour l'homme nouveau. D'ailleurs, il y aura prochainement un séminaire donné par un docteur, justement, qui parlera de l'alimentation. Alors, il y aura, à un moment donné, ça sera publicisé au niveau du centre et à l'extérieur, sur l'alimentation. Et là, pour la première fois, on va expliquer de quelle façon l'être humain d'aujourd'hui doit arriver à manger. Le livre va expliquer quoi? Le livre ne dira pas s'il contient une carotte. Puis là, tu dis, crème, j'ai besoin de calcium, alors je vais regarder, tiens, la banane a du potassium, Non. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la carotte, elle contient ceci. Mais la carotte chez Provigo, chez Stambird, qui a été engraissée aux engrais chimiques, contient tout à fait autre chose. Bon. Alors, ce qui fait que ça n'a aucune valeur. L'être humain, plus il va transiter, va devenir de plus en plus sensible, alors il faudra qu'il développe cette intuition biologique qui va lui permettre de pouvoir savoir ce qu'il a besoin. Et on parlait à un moment donné de la femme enceinte. La femme enceinte, elle, le petit en dedans bouffe un paquet de choses chez elle, d'un coup, elle a besoin de concombre. Bon, elle a besoin d'un hot dog avec la crème glacée. Elle a besoin de goûts bizarres. Qu'est-ce que c'est? C'est que là, elle n'a pas le choix. Elle meurt ou elle devient intuitive et ce qu'elle a de besoin, elle sait ce qui est nécessaire pour elle. La personne transitive, à un moment donné, va arriver à développer ce même phénomène. Alors, tu vas dans un restaurant, tu sais ce que tu as besoin de prime abord. Tu diras pas, j'ai besoin de tant de grammes de ceci, de... Bon, mais non. Sauf que tu regarderas le menu et il y a quelque chose que, bon, c'est ça. Pas au goût. Il faut bien comprendre que l'alimentation bonne pour la santé n'est pas nécessairement bonne au goût. Elle se digère mieux, c'est bon au goût. Oui, ça s'en va plus vite aux toilettes. Mais est-ce qu'elle s'assimile mieux? C'est autre chose. Alors donc, à un moment donné, la personne, elle saura, et on peut commencer déjà à percevoir, à un moment donné, on le sait. Et c'est comme ça que l'être humain va fonctionner plus tard. Pour qui a un pire esprit mince, serait-il souhaitable de manger de la viande? Bon, faut qu'on mange de la vie surtout, et faut qu'on cesse de se faire têter par les autres. Pour ne pas perdre de notre énergie vitale. Se faire têter comment? J'en ai déjà parlé à un moment donné au niveau des conférences sur le couple nouveau. C'est sûr que si on couche deux dans le même lit, on se tête mutuellement. Alors, à un moment donné, il y en a un qui se lève, il est tout traqué, tout déformé, l'autre en pleine forme, ben, c'est ça que ça se passe. On devrait aussi cesser d'avoir des conversations avec des gens qui nous têtent et qui veulent rien comprendre. On devrait, enfin, il y a une peine de plus de choses à un moment donné qu'on a déjà expliqué sur les mécanismes de l'énergie, qui, évidemment, c'est des conférences qui sont enregistrées. Alors, manger de la viande, ça l'a servi à quoi, manger de la viande? Lorsque l'on bouffe de la viande, on mange, une grande partie de l'émotivité de l'homme est exprimée par le système hormonal. Jusque là, ça va. Bon. Le système hormonal est transmis par le sang. Ça va toujours. Donc, dans le sang, il y a des messages donnés par la psychologie. Ça va toujours. Donc, dans le sang, il y a de l'âme. Hein, si on veut faire des parallèles. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque l'on mange de la viande rouge, on mange du sang. Donc, on mange des hormones. Donc, on mange de l'émotivité des animaux. Plus l'être humain mange de la viande crue, plus il devient agressif. Bon. Plus l'être humain mange des viandes qui vont être cuites, qui vont être transformées, mais des viandes à caractère rouge, donc caractère sanguine, plus l'être humain, absorbe des phénomènes qui vont venir s'agglomérer au niveau de ses mémoires de l'âme, ce qui va donner à l'être humain une âme extrêmement pesante, une âme animale, une âme qui n'est pas spiritualisée. Donc, qui ne vise pas une évolution vers l'esprit. Et automatiquement, ce genre d'âme, ce genre d'ego, induit chez l'homme des désirs animaux. Chez la femme aussi, faites-vous-en pas. Bon. Alors, automatiquement, il veut manger un peu plus, il veut boire, il veut triper, il veut s'amuser au niveau du sexe, alors il veut se battre, il veut faire la guerre, etc. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que lorsque l'être humain est comme ça, il désire énormément de choses. Désirant énormément de choses, ils ont remarqué justement que les peuples végétariens ne désirent rien d'autre que manger des végétaux. Hein? Tu viens leur donner des claques d'en face, puis ils sont tous là, puis ils se demandent pourquoi tu fais ça. Bon. Justement, ils ne peuvent pas être donc ils deviennent des esclaves de l'humanité. Ils deviennent des tiers-mondes, entre autres. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui mange de la viande, lui, a des désirs. Ayant des désirs, il veut vivre ces choses et la vie le frustre royalement. Le frustrant royalement, il est obligé de confiner ses désirs dans une région de son âme qui est périsprique, donc qui porte le nom de l'intellect à un moment donné et du mental par la suite. Plus on a de désirs et plus on se voit, disons, frustré au niveau de nos désirs, plus on réfléchit pour arriver à essayer de les aboutir. Donc, on développe la conscience mentale chez l'homme. Et c'est pourquoi les peuples qui ont mangé le plus de viande sont les peuples nord-planétaires, entre autres, et sont les peuples qui, présentement, sont les puissants à l'échelle du monde. Et c'est dans ces peuples que va naître l'homme nouveau. Et par la suite, lorsque cela sera suffisant, lorsque le mental aura été suffisamment énergisé, l'homme va cesser de manger de la viande. Savez-vous quand est-ce que vous devez devenir végétarien? Quand vous ne pouvez plus la digérer, la viande. On ne devient pas végétarien par philosophie. Ça n'a pas de sens. Quand ça se digère plus, c'est le temps. Le corps est muté, ça marche plus. Là, on digère d'autres choses. On mange une chose, puis ça marche. On n'est pas malade. Le médecin va vous dire, juste ça, c'est pas suffisant. Tu sais, dit-il, ah, vous avez raison, puis continue d'en manger. À un moment donné, on sent quel feeling, puis ben, hop, on a le goût de la viande à soir. On recommence, ça, on a besoin là. Ça marche comme ça, l'évolution. Très, très facile, sans complications, puis sans demander l'opinion nécessairement aux autres. Alors donc, l'évolution, on parle donc de la viande. Le périsprit a une tendance. Et effectivement, la viande a une tendance à grossir le périsprit, mais en même temps, elle rend l'être humain beaucoup plus orgueilleux, beaucoup plus violent, beaucoup plus proche de ce qui le constituait avant. On dit les instincts animaux, c'est pas des instincts animaux, les animaux ont pas des instincts aussi barbares que l'humain. Ce sont réellement des instincts humains, mais qui viennent de la base de la création de l'homme. Quelle attitude nous proposez-vous d'avoir face à la vie pour éviter les maladies? Les deuxièmes questions, selon vous, le positivisme serait-il la bonne façon de penser pour se protéger des maladies de l'homme nouveau? Bon, j'ai déjà dit que être positif, c'est la même pathologie qu'être négatif. Bon, alors voir les choses mauvaises d'une façon négative ou les voir d'une façon positive, c'est refuser de les voir comme elles sont. Très important. C'est mieux d'être positif que d'être négatif, et une fois qu'on est devenu positif, faut devenir réaliste. Bon, c'est une chose. Quelle attitude nous proposez-vous, disons, d'avoir face à la vie pour éviter les maladies? Je ne propose pas. Je dis un paquet de choses. Vous devez ajuster. Vous êtes suffisamment intelligent. Même ceux qui l'ignoreraient, vous avez la faculté de savoir ce que vous avez besoin. L'attitude face à la vie, la seule chose globale qu'on peut dire, c'est que cessez de rechercher les choses, faites-les. Comment pouvons-nous faire pour être en paix? Ben, sois en paix. T'sais, tant que tu vas vouloir être en paix, tu seras pas en paix. C'est pas compliqué tellement. Très facile à dire et en même temps très logique. Maintenant, comment l'être humain peut y arriver? Face à la maladie, je crois qu'on connaît suffisamment toutes les causes de la maladie. Mais on reste toujours manipulé par une panoplie de phénomènes au niveau de notre âme, au niveau des contextes, disons, de l'âme planétaire, donc des contextes collectifs, ce qui fait que continuellement, on perd sur notre conscience intelligente. On n'est pas écologique, on n'est pas conséquentiel face à soi. Ce que j'expliquais dernièrement au niveau d'un cours, c'était que essaye le plus souvent possible, puis quand à un moment donné, tu sais, tu as une pomme, je donne un exemple bien banal, tu as une pomme, tu as l'impression que la pomme, tu devrais la manger, puis en même temps, tu as un gros morceau de gâteau. Bon, plein de crème fouettée, puis tout ça. Bon, bien décoré avec ton nom dessus, tu sais. Là, tu regardes la pomme, puis tu vois le gâteau. Tu sais, tu as le feeling, je dis. C'est un exemple. Tu aurais, par exemple, le feeling que c'est la pomme qu'il faudrait que tu manges. Et puis là, ça résiste en tabarnouche. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour évoluer convenablement? Mange le gâteau, puis laisse la pomme là. Règle ton cas. Bon, puis à un moment donné, mange le gâteau encore. Arrête de lutter, parce que tant que tu luttes, tu induis que l'autre a de l'espoir de gagner. Donc, en pendant, tu perds. Puis à un moment donné, c'est le gâteau de torieux, là, c'est la pomme aujourd'hui. Voilà, facile. Là, l'évolution marche, puis vous riez. Puis deux, trois jours après, la pomme, c'est devenu facile, je sais pas pourquoi. Toute l'évolution se fait comme ça. Essaye souvent. Puis lutte pas trop. L'être humain se fend derrière pour lutter. Faut que j'arrête de fumer. Non, essaye souvent. Pense-y souvent. Tu sais, trouve que c'est con de fumer. C'est con. Mais c'est bon. Parfait. T'es pas prêt. Puis à un moment donné, c'est con. Puis c'est pas bon. Puis deux semaines après, j'ai recommencé. Ben oui. La phase, y va comme ça. Faut que ça essaie de se casser la tête. Et ça marche tout seul. L'attitude, c'est quoi l'attitude? Tu sais ce qui doit être fait. Puis tu sais comment t'es pogné. Bon, cesse de lutter. C'est pas de se contrôler, c'est con de se contrôler. Tu sais, t'as un bouton là, tu le contrôles, tu l'arraches tous les jours. Mais vas-tu passer ta vie à l'arracher? C'est ça le contrôle de toute la phénoménologie de l'homme au niveau de son évolution. Alors, à un moment donné, tant pis. Mais essaye, dis-toi pas, bon, je suis pas capable, oh, yob, la pomme, je suis faite. Ça, c'est con. Mais non, la pomme, laisse-la là. Ça sert à rien, je la mange pas. Laisse-la là. Puis toi, une fois, essaye, puis observe, tu perds. Puis à un moment donné, tu vas gagner. L'être humain va se dire, ben, fait 20 fois que je perds. Tu sais, mon concept me disait qu'après 20 fois, je te finis. C'est ça, l'être humain qui dit, tu sais, qu'après 6 ans, s'il n'a pas appris le piano, c'est qu'il est con. Mais non, s'il serait mis 300 ans, peut-être, même là. Alors, continuez toujours à avoir les mêmes attitudes et voyez ce qui est intelligent, puis allez juste voir si vous êtes prête, puis vous êtes pas prêt, ben, c'est parfait. La fois d'après, allez voir encore tout d'un coup, vous changez. L'être humain qui, à un moment donné, veut plus se réessayer, il change, mais il veut conserver l'idée que lui ne change pas. Et c'est con. Comment ça, tu fumes plus, là, depuis quand? Bon, tous vos amis vont s'organiser pour, évidemment, vous empêcher d'évoluer. Tu sais, alors t'es devenu végétarien, là, tu manges rien que de l'arbre, tu sais. Bon, non, à soi, ça me tente pas de manger de viande. Oh, parce que ça frustre ton énergie, je pense. Bon, tout ça, c'est la conscience collective. On en a parlé lors des mécanismes de Satan, puis on va revenir, de toute façon, sur les prochaines conférences sur ces phénomènes-là, où, justement, on a une panoplie de forces d'involution qui empêchent l'humain d'avancer. Mais ça, c'est pas grave. Amusez-vous un peu, puis essayez, puis manquez votre coup, puis essayez, puis manquez votre coup, puis à un moment donné, essayez, puis trouvez-le. Vous allez réussir. Puis 2-3 semaines, 2 ans après, vous allez encore manquer votre coup, parce que l'évolution, c'est pas gagné à jamais. C'est vivant. Alors, faut continuer à vivre, puis on chemine, puis c'est le fun. Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Ça, c'est une très grande clé de vie, ça. Ben, c'est évident. Je le dirais pas sans ça. Sauf quoi que t'avais pas compris ce que c'était, ça. Est-ce la mémoire de l'émotion qui gonfle le périsprit, ou si la mémoire mathématique la gonfle aussi? Toutes les mémoires la gonflent. Vaut-il mieux subir un état de tension et d'anxiété qui épuise le corps ou prendre un peu de Valium pour contrôler cet état? Sinon, que conseillez-vous? Y a-t-il un médicament moins nocif que le Valium? Ativan est-il supérieur à Valium pour combattre l'insomnie? Bon, disons que le Valium est un, disons, un décontracteur physique. L'Ativan est plutôt un antipsychotique. Enfin, ça dépend encore des corps physiques. Ça va réagir de façon différente pour l'un et pour l'autre. Maintenant, ce que moi je suggère, tu me poses la question? On permet d'en connaître plus sur la personne qui la pose, c'est intéressant. Bon, au niveau du Valium, premièrement, c'est évident que entre deux choses, on choisit la moins pire. Le problème, c'est que le Valium est une drogue, comme d'ailleurs l'Ativan ou comme d'autres phénomènes dans le genre, ce sont des drogues psychologiques. Le corps physique ne devient pas, disons, drogué. Enfin, ça prend réellement un corps particulier, puis ça peut prendre énormément de temps. C'est une drogue psychologique. On vient pour se coucher, puis on est stressé. Automatiquement, on est insécure, et là, on a besoin de notre pilule. C'est pas le corps nécessairement qui en a besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on prend un Valium ou lorsqu'on prend ce genre de choses, tous les médicaments sont des médicaments qui agissent au niveau biologique. Enfin, les médicaments qu'on avale biologiquement. Agissant au niveau biologique, c'est qu'elles interdisent l'expression de vos problèmes dans le corps physique. Cela ne veut pas dire que le problème, il est réglé. Elle interdit son expression. Bon. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que si ça peut nous permettre de regagner en énergie parce qu'on dort, génial. Lorsqu'on a suffisamment d'énergie, il faut maintenant se prendre en main. Puis on met pas les Valium dans la pharmacie au coq, au cas ou que. On les prend, on les met aux poubelles. Fini là, dans la toilette. Bon. Puis on tire la chaîne, hein, s'il vous plaît. Bon. Il y a du monde qui sont capables de... Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que les Valium, c'est parfait, c'est génial, ça dépend simplement de votre niveau de départ. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a tout ce qui provient de l'extérieur et qui doit être répété continuellement, ne vous amènera jamais à une liberté. Que ce soit un Valium, que ce soit une technique subliminale de relaxation, que ce soit des cassettes de relaxation, que ce soit ce genre de choses, si tu es toujours confiné à te servir de l'extérieur pour arriver à un état particulier qui donne un symptôme de l'évolution, l'être humain est un esclave. Alors, vous devez être vos seuls maîtres. On ne doit pas devenir un esclave. L'être humain est déjà suffisamment son maître esclave, l'homme ancien, qu'on doit, à un moment donné, le transformer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part, bon, on shake, on a des problèmes, bon, on prend un peu de Valium, ça va. À un moment donné, on commence à se prendre un peu plus en main. On veut aller dormir. Et là, on se fait charrier par les phénomènes astraux, par la conscience collective. Ça passe dans notre tête, ça peut pas arrêter. Hein, preuve que l'être humain est manipulé, qui n'est pas son seul maître. Et là, on doit commencer à faire des techniques physiques ou des techniques de cassette, par exemple, éliminer le phénomène Valium pour lentement grimper de palier. Après ça, on élimine la musique, on recommence à faire les choses. Dernièrement, j'expliquais à un détenu dans un pénitencier fédéral qui, justement, se relaxait par ce genre de choses. Ben, je lui ai dit, il m'a donné un truc. OK, tu vas devenir un chien. T'as-tu ton voisin de cellule? Non, j'ai amené un Dalton là, puis je l'ai profité pour parler. Alors, je lui ai dit, tu vas devenir comme un chien, c'est-à-dire que quand tu veux écouter ta musique et t'endormir, gratte-toi l'oreille. Alors, tu comprends le symptôme, le principe. Alors, à un moment donné, ce que tu peux pouvoir faire, c'est que tu t'en vas dans la bibliothèque, tu veux te relaxer, gratte-toi l'oreille. Automatiquement, par réflexe, tu vas te relaxer tout de suite. parce que tu es habitué avec la musique. C'est un moyen. L'être humain doit donc apprendre différentes techniques et vous devez en innover, à un moment donné, en inventer. Moi, j'en ai inventé une panoplie qu'on enseigne, mais à un moment donné, l'être humain doit aussi en inventer, les adapter à lui. Et à un moment donné, l'être humain arrive à une technique, ce que j'appelle, moi, l'être humain arrive à pouvoir menfiser son corps, c'est-à-dire que le mental se dirige vers le physique, hein, menfis, c'est ce que cela veut dire, et lorsque l'être humain peut menfiser son corps d'une façon suffisamment respectable, il est décontracté, même assis. Il est décontracté en faisant du jogging. Il est décontracté en pleine action. Cela devient une relaxation, ce que j'appelle une relaxation, c'est-à-dire une relaxation sous tension. Alors, donc, il y a une série de chemins à suivre, mais la personne qui ne dort absolument pas, elle est mieux de prendre du Valium ou de l'Ativan, ce genre de choses, et à un moment donné, mais vous devez prendre conscience que ce sont des béquilles. Lorsque la béquille devient la jambe, on finit par penser que la béquille, c'est la jambe. Lorsque la béquille, c'est la jambe, on ne veut plus de la jambe. On la coupe puis on conserve la béquille. C'est extrêmement pénible par la suite de refaire pousser une jambe. Alors donc, ne vous identifiez pas dans vos médicaments ni dans vos techniques. Lorsqu'à un moment donné, l'être humain arrive avec la technique Menfi du PMC, l'être humain finit à un moment donné par ne plus avoir besoin de technique parce que c'est cellularisé chez lui. Alors il est toujours relax. Il n'y a plus de technique. Il se couche, il dort. Bon. Hein? Faut qu'il se lève à 5h moins quart. À 5h moins quart, il se lève, il éteint son cadran avant qu'il sonne, puis il s'en va. Si demain ça marche. J'ai dans hâte. Eh oui, mais lâche pas. Puis-je arriver à guérir mon arthrite par la technique Menfi? Bon. Très important, on ne doit pas faire une technique d'évolution pour arriver à un symptôme de l'évolution. La méthode Nadeau peut guérir de l'arthrite. C'est pas enseigné ici, mais c'est très génial comme méthode. Ça s'adresse évidemment à des personnes qui n'ont pas beaucoup d'activité physique, ça va de soi, mais c'est très bon. Il y a beaucoup de médicaments aussi qui peuvent guérir l'arthrite. Ça va de soi aussi, parce que l'arthrite a différentes causes. Elle peut être extrêmement émotive, donc psychologique. La technique Menfi a donné des résultats. Je ne veux pas vendre de ce qui se fait ici par rapport à des symptômes de l'évolution. Chose certaine, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait des choses au niveau du sang et qui ont eu qui ont vu donc des symptômes de ce genre disparaître. Est-ce que c'est tout le monde? Non. Pourquoi? Parce que vous êtes un véhicule de départ. Une technique ou une forme ou un programme d'évolution transforme des choses. Chaque individu est un véhicule de départ différent. Les résultats, après un an, deux ans, ou à moyen ou à long terme, sont différents pour chacun, ce qui fait que je ne peux pas dire que la technique Menfi guérit l'arthrite. Chose certaine, c'est que la technique Menfi ne l'entraîne pas, et elle entraîne, ça c'est pour la généralité du monde, un rajeunissement au niveau cérébral, une conscience corporelle, une conscience vitale qui est hautement sophistiquée, et elle entraîne donc une panoplie de choses qui, théoriquement, devraient engendrer la curation de la majorité des pathologies. Mais telle la personne qui vient, par exemple, s'inscrire à une technique Menfi ou qui s'inscrit au PMC dans le but d'avoir une guérison pathologique, elle peut attendre longtemps parce que tout va dépendre de son évolution à elle. Les techniques ne sont pas faites pour cela, elles sont faites pour une évolution globale chez l'être humain. Lorsque l'humain évolue globalement, il y a des symptômes qui sont automatiquement entraînés. Je répète que ici, nous fonctionnons au niveau de l'intelligence, au niveau de l'âme. Cela veut dire que les techniques enseignées amènent des résultats, mais le but fondamental du programme aide-contrôleur dans lequel a été innovée la technique Menfi est d'amener l'être humain à devenir son seul maître. Lorsqu'il chemine vers cet état d'être son seul maître, il y a des choses qui se règlent. Sauf que le but du PMC, programme aide-contrôleur, ce n'est pas d'amener à l'humain un confort immédiat au niveau physique. Bon, ça ne va peut-être pas le PMC, sauf que les personnes qui le font doivent savoir pourquoi ils le font. C'est évident que ça l'entraîne des choses, mais c'est comme si une personne me dirait « j'ai de l'acné, est-ce qu'en faisant telle chose, par exemple au niveau du centre, je vais te dire « si ton but fondamental est de guérir ton acné, sois moins stressé, puis prends des médicaments contre l'acné, ça va être plus vite. » Si ton but fondamental est l'évolution globale de tous tes corps, parfait, le PMC peut être indiqué pour toi. Ça dépend donc de ce que vous recherchez. C'est la cure immédiate de l'arthrite. Il y aura sans doute d'autres recherches à faire. Si c'est une évolution globale, ah ben là, peut-être que là, la technique Menfi ou le programme aide-contrôleur peut être indiqué. Alors ça, vous irez voir votre médecin, il vous fera une prescription, puis si c'est indiqué de faire le PMC, ben vous dites. Ceux qui sont conscients qu'ils prennent l'énergie des autres, est-ce qu'ils nuisent à leur évolution? Et à l'évolution des autres. Quelle est la relation vis-à-vis de la loi cosmique? La loi cosmique, elle dit que vous devez vous occuper de vos oignons. La loi du monde des affaires dit la même chose. Je suis un vendeur, je dois vendre au meilleur prix. Tu es un acheteur, tu dois acheter au prix le plus bas. Maintenant, tu dois savoir que je dois vendre à un prix relativement intelligent pour pouvoir continuer à vivre, sinon je ne vendrai plus, donc tu ne pourras plus acheter. Et je dois savoir avec que si je te ruine en te vendant trop cher du premier coup, tu ne viendras plus acheter, donc je n'aurai plus d'acheteur, donc je vais me ruiner moi aussi. Cela veut simplement dire que on doit chacun jouer son rôle. Si je suis un têteux d'énergie et que je tète Claude, tant que Claude se laisse têter, j'ai le droit de le têter. La journée que Claude va décider de fermer les portes, je risque d'en souffrir en maudit, sauf si j'y suis préparé. Alors, celui qui se laisse têter, celui qui tète, tête, les choses vont bien. Celui qui tète est frustré parce qu'on ne veut plus qu'il tète, lui souffrira et maintenant ça le regarde lui, tandis que l'autre maintenant se libère. Un peu comme quand on dit que Adam et Ève, le phénomène, bon, Ève a pris une pomme, elle l'a offert à Adam, puis Adam l'a accepté, puis peut-être patata. Donc, c'est Ève qui a engendré la décadence de l'humanité. Bon, évidemment, c'est très imagé quand on parle de la Genèse. C'est très symbolique. Mais si on veut juste prendre l'exemple, c'est la faute de Ève. Ben, quand le bonhomme, il a pris la pomme, là, ben, ça devait être sa faute aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je te tète, tu te laisses têter, c'est de ta faute, pas de la mienne. Si je suis conscient que je te tète, tu te laisses têter, c'est encore de ta faute. Mais quand tu voudras plus te faire têter si j'en souffre, fais-toi-en pas si j'en souffre, ça te regarde même pas ma souffrance. C'est de ma faute, c'est mes oignons. L'humain se laisse continuellement manipuler par, justement, l'émotivité vécue par autrui. Ouais, mais là, j'ai décidé que je me faisais plus têter, là, il fait des crises, là. Qu'est-ce que je fais? Ça le regarde, les crises. Ben, il veut me battre. Ben, déménage. Ou continue à te faire têter. Ben, regardez, c'est chacun doit s'arranger. Alors, si vous têtez, puis vous le savez, c'est de votre job. Sachez une chose, c'est que tant qu'on prend l'énergie d'autrui, on s'y assujettit. Lorsqu'à un moment donné, on arrive à la générer de soi-même, ben, évidemment, on devient libre. Mais au niveau des lois karmiques ou écologiques, ça ne dérange pas. C'est l'autre qui se fait têter. J'en ai une bonne ici. Comment savoir si notre cerveau rétrograde? Bon, premièrement, ça n'a aucune importance de se poser cette question, parce que s'il rétrograde, il va continuer à rétrograder. Et surtout qu'à un moment donné, l'humain va pouvoir se dire, je perds la mémoire, donc il rétrograde. L'autre va dire, je perds la mémoire, donc je mute. Bon, t'sais, chacun son point de vue. Le cerveau, il va rétrograder en ce sens que s'il ne peut plus exprimer les contextes qui le manipulent normalement, il devient rétrograde. Une personne qui a de la difficulté à faire bouger son corps parce qu'elle, par exemple, elle tremble. Une personne qui perd la mémoire régulièrement. On a différentes maladies au niveau du corps physique, justement, qui entraînent ces choses-là. Hein? Ce n'est pas un cerveau qui rétrograde. C'est un cerveau qui, à un moment donné, agit mal. Et tout le reste du cerveau reste là. Quand je parle d'un cerveau qui rétrograde, je veux parler de maladies qui attaquent directement le cerveau. Ça peut être un cancer cérébral, par exemple. Ça peut être un tumeur qui, à un moment donné, par sa prolifération, finit par comprimer le cerveau. Ça peut être des symptômes d'accident. Un cerveau qui a rétrogradé. La majorité des cas, disons, d'épilepsie traumatique. Le cerveau a rétrogradé pendant un laps de temps. Mais le cerveau peut maintenant continuer son évolution. Faut pas penser que parce qu'on a eu une régression cérébrale que c'est fini. Une thrombose cérébrale va entraîner une régression cérébrale. L'Alzheimer, c'est justement une partie du cerveau qui est en contact avec la mécanicité astrale, qui commence à perdre de cette affinité à vibrer au plan astral. Tout le reste du cerveau reste là. Pourrait fonctionner, mais la personne ne le sait pas. Et on peut à un moment donné avoir un problème. La paralysie cérébrale, c'est quoi? La paralysie cérébrale, d'ailleurs, Alzheimer va donner un peu le même phénomène à un moment donné. On aura de l'auto-induction neuronique qui va engendrer des petits passes, qui va engendrer, mettons, un dérèglement corporel. Et on devrait annihiler cette partie cérébrale. Bon, il y a différentes techniques, différents moyens médicaux avec qui le permettent. Lobotomie, entre autres, mais disons qu'il y a des moyens plus intéressants qui sont de plus en plus offerts au niveau de l'humain, des techniques. Et il y a donc une panoplie de choses qui peuvent être faites. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a à peu près pas de régression normale cérébrale. La seule régression qu'il y a, c'est dans la personne qui vieillit à un moment donné. Ce qui va arriver, si elle n'entraîne pas son cerveau, c'est que toutes les neurones qui normalement fonctionnent meurent à la longue, et vu qu'elle n'a pas reprogrammé les autres neurones qui restent vivantes, bien évidemment, elle perd la mémoire, elle perd le contact social, elle devient ce qu'on appelle sénile. La personne qui continue à entraîner son cerveau régulièrement ne devient pas sénile. Et même qu'elle grossit, donc il n'y a pas de danger de ce côté-là. Une chose importante, et là, sa conférence est finie. Tu poses pas des questions assez vite, mais tu vas prendre l'expérience. La semaine prochaine, c'est le mystère des secrets de Fatima. C'est une conférence qui a été demandée souvent, une conférence qui n'a jamais été faite ni par moi ni par d'autres, pour la simple raison que ce n'était pas le temps. On a eu dernièrement, l'année dernière, une personne qui a fait un jeûne pour que le pape révèle le troisième secret de Fatima. Et ce secret n'est pas connu exclusivement que du pape, il est connu par différents gouvernements. Bon, Ce bonhomme a été manipulé par la conscience que le temps arrivait qu'on devait parler. La semaine prochaine, je fais donc cette conférence qui va être refaite sans doute le samedi, une semaine après. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Maintenant, c'est une conférence qui va être peut-être relativement unique. Je la referai sans doute une deuxième fois. Et je n'en sais pas plus pour la suite. Chose certaine, c'est qu'on va s'amuser en maudit à l'intérieur des secrets de Fatima. Ce ne sera pas une conférence religieuse, mais ce sera une conférence qui sera très d'actualité et qui expliquera un paquet de choses aussi au niveau des contraintes de la religion catholique, de ce qui vient et des manipulations astrales. Oh, Mario, encore quelques messages à vous faire. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Restez pas pris dans les bancs de neige. Si vous pouvez pelleter mon char en sortant. Donc, je n'ai fait que répéter certaines informations.